Claudinho, pro câmbio de produção. L'histoire est passionnante, elle a été difficile entre les années 60 et aujourd'hui. Tout ça, ça ne s'est pas fait en 8 jours. Ça a été une lutte. Dans l'ancienne maison des jeunes et de la culture, il y avait une bibliothèque qui avait 80 mètres carrés, toute petite, municipale. Maintenant, elle a 1000 mètres carrés. La logique des équipements comme la MJC à l'époque, la Maison des Jeunes et de la Culture, elle était là pour mettre en place et suivre des expérimentations sociales dans les années 60. Et dès qu'une activité prenait trop d'importance, y cuando una actividad cogía mucha importancia, on l'encourageait pour prendre son autonomie. La animábamos para que se hiciera autónoma. Se animaba para que se hiciera autónoma de todo. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut. Avec de beaux affutiaux, mais leurs têtes, leurs défauts, la tête avec le chapeau, elle était tombée de son haut dans la rue des blancs manteaux. De Charlie Mingus. Ah, si. Si, papa. So quand elle est arrivée chez les enfants, et ben déjà toutes les autres qui voulaient être comme nounou chez les enfants, elles se sont envolées. Mmh. Et puis après elle est rentrée, elle est montée chez les enfants. Après ils ont rangé leur chambre, ils sont allés faire un tour au parc. Puis elle a rencontré son ami le peintre. Et ils sont rentrés dans un dessin. Et puis dedans il y avait des manèges, il y avait des restaurants. Et puis à un moment ils ont fait une fête. Et puis il s'est mis à pleuvoir. Alors ils sont sortis du dessin, ils sont rentrés chez eux. Puis alors il les a ramenés chez eux. Et puis à un moment, eh ben ils ont nettoyé la cheminée. Et eh ben il avait pris la chose qu'on met dans la cheminée pour la nettoyer. Mmh. Et puis il est parti par la cheminée. Et puis après la petite fille elle est aussi sortie. Ils sont allés voir la lune. Et ben ils ont fait une fête. Et puis après il y avait des amis des enfants. Ils ont commencé à tirer des bombes. Et puis alors ils sont rentrés. Et le papa des enfants, il leur a refait leur cerf-volant. Et puis alors elle est partie et ils ont fait une fête avec les cerfs-volants. Ah, très bien. C'est fini. Ça c'est les fans. La fête oui. C'est les fans de la. Ah, très bien. Très bien. C'est dans l'imagination de quelqu'un ou c'est une vraie histoire? Non, c'est pas une vraie histoire. Pourquoi c'est pas une vraie histoire? Bah, parce qu'il y a de la magie. Uh-huh. Et la magie, ça n'existe pas. Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas parlé? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas parlé? Mon prochain clignement d'œil voudra dire que je t'aime. Mon prochain clignement d'œil voudra dire que je t'aime. Mon prochain clignement d'œil voudra dire que je t'aime. J'aimerais que ce moment fasse partie de notre vie. J'aimerais que ce moment fasse partie de notre vie. J'aimerais que tu t'accroches au micro comme Tarzan s'accroche aux lianes pour te joindre à moi. J'aimerais que tu t'accroches au micro comme Tarzan s'accroche aux lianes pour te joindre à moi. Je voudrais que tu t'accroches au micro comme Tarzan s'accroche aux lianes pour te joindre à moi. Et maintenant que nous voici réunis, nous allons écouter ensemble le lieu où toi et moi nous étions l'instant d'avant. Et maintenant que nous voici réunis, nous allons écouter ensemble le lieu où toi et moi, nous étions l'instant d'avant. Et maintenant que nous voici réunis, nous allons écouter ensemble le lieu où toi et moi, nous étions l'instant d'avant. je sens les petits cailloux qui s'écrasent entre eux, qui s'écrasent contre le sol et qui s'écrasent contre ma chaussure et qui s'écrasent contre mon pied. Et là, je sens qu'il y en a aussi, mais on sent que les gros. Et le bruit, il n'y a que mes pieds qui les entourent. Mais j'aime bien aussi quand c'est juste mes pieds qui entendent le bruit. Quand c'est les autres, j'aime bien aussi. Dans les gros cailloux, ça fait encore autre chose. Mais j'aime moins l'herbe. Là, j'aime bien juste au bord. Les baskets, ça fait bien, je trouve.